vendredi après-midi. Le papier. Le tabac. Le briquet. Bonjour et bienvenue à cette émission classique de ce vendredi 12 septembre de l'an 2008. Je m'appelle Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique pour les 4 prochaines heures. Aujourd'hui, émission régulière, je vous présente à peu près tous les styles de musique associés, regroupés sous la grande bannière classique. On va entendre du rock psychédélique, du folk rock, du hard rock, du southern rock, du shock rock, du glam rock, du blues rock et un peu de métal. Dans la dernière heure, on va entendre des artistes des formations comme The Doors, The Cars, Black Oak Arkansas, Cheap Trick, George Thorogood and the Destroyers, Black Crowes, Helloween, BTO, The Rolling Stones, Wings, Neil Young, Bad Company, Steve Miller, Kings, Iron Maiden, Alice Cooper et Lynyrd Skynyrd. Je vais aussi vous présenter un album obscur par un groupe australien tout aussi obscur des années 70, le quatuor Buffalo, avec leur troisième album Only Want You For Your Body. Je vais aussi vous présenter deux nouveautés pour donner une suite d'abord une suite logique aux deux dernières émissions. Je vais vous présenter le tout nouvel album d'une des formations les plus marquantes de la vague de métal britannique de la fin des années 70, début 80. Il y a deux semaines, je vous ai présenté le nouveau Motorhead. La semaine dernière, je vous ai présenté le nouveau Venom. Cette semaine, je vous présente le tout nouvel album de Tigers of Pantang, Animal Instinct. Et je vais aussi vous présenter des pièces du tout nouvel album de Metallica qui est paru aujourd'hui. Donc, encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Tout de suite, on débute avec un peu de rock carré et de gros canons. Dans ce moment, on va entendre Ozzy et Queen. Mais tout de suite, on écoute Rush sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! êtes dans la dimension rock classique jusqu'à 17h. Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside that red firelight. Oh, you're gonna let it all hang out. Fat bottom girls, you make the rocking world go round. Avec Fat Bottom Girl, un classique tiré de l'album Jazz de 1978. Juste avant ça, on a entendu Ozzy Osbourne avec Over the Mountain, la pièce qui ouvre son deuxième album solo, Diary of a Madman, paru en 1981. Et au début du bloc, on a entendu Rush avec Spirit of the Radio, la pièce qui ouvre l'album Permanent Waves, paru en 1980. 13h19, vous êtes en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission rock classique. Dans un moment, on va entendre Lynyrd Skynyrd et AC/DC, mais tout de suite, on écoute Led Zeppelin à l'antenne de la seule station diffusée du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! much obliged. Such a pleasant stay. But now it's time for me to go. The autumn moonlight's my way. But now I smell the rain, and with it pain, and it's heading my way. Sometimes I grow so tired. I'm gonna Alpha. Avec Poison Whiskey, c'est tiré de leur premier album intitulé Pronounce Lynyrd Skynyrd, paru en 1973. Juste avant ça, on a entendu AC/DC avec Let's Get It Up, ou plutôt Put the Finger on You, tiré de l'album For Those About to Rock de 1981. Et au début du bloc, on a entendu Led Zeppelin avec Ramble On, et cette pièce est tirée de leur deuxième album, paru en 1969. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Vous pouvez visiter notre site web qui est situé à l'adresse www.rockclassic.net sur lequel vous risquez de retrouver des choses qui pourraient peut-être vous intéresser. Il y a des liens vers certains des plus beaux sites internet de plusieurs artistes rassemblés sous la grande bannière Rock Classic. On retrouve aussi les canevas des émissions passées quand vous voulez savoir ce qui a joué spécifiquement, exactement, dans une émission en particulier, ou encore consulter le top 30 des meilleurs albums rock classiques. Il y a les tops des années passées. Il y a un lien pour me contacter. C'est pas toujours évident par téléphone. Eh bien, par courriel, c'est très facile. Et il y a une section balado diffusion si jamais vous avez envie d'écouter une ancienne émission n'importe quand comme ça dans la semaine. Donc, le site se trouve au www.rockclassic.net et on ne retrouve pas de pub sur le site. Dans un moment, on va entendre les Rolling Stones avec une pièce, un classique tiré du non moins classique album Exile on Main Street. On va aussi entendre les Canadiens de BTO, mais tout de suite, on écoute Paul McCartney in Wings à l'antenne de Cifou 89.1, la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières.

819-701-1021 ou visitez-nous sur le net au tatoupieuvre.com. Passionné de musique? Féru d'un sujet qui vous captive? Vous voulez produire et animer votre propre émission de radio afin de faire connaître votre passion à la communauté? CIFOU 89.1 FM vous offre la possibilité de partager vos découvertes. Vous n'avez qu'à soumettre votre projet en complétant le formulaire de dépôt de projet d'émission disponible sur notre site internet au CIFOU.ca. Mmh. C'est fou dans tes oreilles, c'est fou dans vos oreilles, c'est fou dans tes oreilles. 89.1 Canadien BTO Backman Turner Overdrive avec leur classique Hey You tiré de l'album Four Wheel Drive de 1975. Juste avant ça, on a entendu The Rolling Stones avec leur classique Happy tiré du non moins classique album Exile on Main Street de 1971. Au début du bloc, on a entendu Paul McCartney and Wings avec une pièce qui est parue en 45 tours en 1972, la pièce High, High, High. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant d'un groupe de hard rock australien très obscur des années 70, le Quatuor Buffalo, que je vous ai présenté l'année dernière. Aujourd'hui, je vous présente spécifiquement leur troisième album, qui est très bon et qui s'intitule Only Want You For Your Body. Un disque dans la même mouvance que les deux premiers, c'est-à-dire on n'est pas loin de Led Zeppelin, Black Sabbath, musicalement. C'est du hard rock blues, mais côté lyrique, on est plus près de AC/DC avec des textes plutôt humoristiques, axés en gros sur la sexualité. D'ailleurs, la pochette du disque est assez éloquente puisqu'on y voit une dame corpulente étendue sur un appareil de torture sadomasochiste et qui semble y prendre beaucoup de plaisir. C'est assez comique comme pochette, ça ne fait pas du tout sérieux, mais ça a causé un scandale à l'époque et plusieurs magasins de disques refusaient carrément de vendre le disque par peur de choquer les bien-pensants. Surtout qu'on retrouve des titres sur cet album comme King's Cross Ladies et surtout I'm a Skirt Lifter, Not a Shirt Raiser, sur lequel les membres du groupe se targuent un peu de leurs exploits sexuels. Ça donne un résultat assez musclé. On va tout de suite écouter trois pièces tirées de ce disque australien de Buffalo, Only Want You For Your Body, sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la radio des mélomanes de Trois-Rivières et la seule station à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 89 Une formation de hard rock australienne très obscure, Buffalo. On vient d'entendre trois pièces tirées de leur troisième album, Only Want You For Your Body, paru en 1974. On vient d'entendre What's Going On, la seule pièce tirée de l'album, qui est sortie en 45 tours à l'époque, en version 45 tours, et éditée, qu'on retrouve en bonus track sur la version CD de l'album. 45 tours qui n'a jamais tourné à la radio, malheureusement pour eux. Juste avant ça, on a entendu la pièce qui ouvre l'album et qui a fait scandale. I'm a shirt lifter, not a, I'm a skirt lifter plutôt, not a shirt raiser, qui raconte la rencontre d'un membre du groupe avec une auto-stoppeuse très joyeuse qui semble prendre beaucoup de bon temps avec lui. Au début du bloc, on a entendu une reprise d'une composition de Alvin Lee, de 10 Years After I'm Coming On. Très bon disque de hard rock australien. Malheureusement, comme je l'ai dit plus tôt, ça n'a pas joué du tout à la radio et les gérants de Buffalo ont sabordé le groupe suite au peu de succès du disque. Ils se sont dit que la raison pour laquelle le groupe ne vendait pas de disque, c'est qu'ils ne jouaient pas à la radio parce que leur musique était trop heavy. Ils se sont donc mis en tête de changer le groupe en une entité plus commerciale, en congédiant d'abord le guitariste et compositeur principal John Baxter pour le remplacer par quelqu'un d'un peu plus gentil et douillet. Bien sûr, ça n'a pas marché et le groupe a enregistré deux autres albums commerciaux et moins intéressants qui ne se sont pas vendus non plus et qui n'ont pas non plus joué à la radio. Le groupe a donc implosé et le seul membre de Buffalo qui a fait sa marque par la suite, c'était le bassiste Peter Wells qui a formé le groupe Roast 2, un autre groupe australien légendaire qui, eux, ont eu pas mal de succès un peu partout dans le monde, surtout en France, un groupe que je fais rarement tourner avec Classic, mais que je vais reconsidérer un peu plus à l'avenir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre truc obscur, le quatuor américain The Dictators. Il est presque 14h, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans un moment, on va entendre un classique de George Thorogood ainsi que Cheap Trick, mais tout de suite, on écoute les Who sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la radio des mélomanes de Trois-Rivières et la seule station à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières, c'est fou, 89.1. We'll be right back.

last night about a half past ten. That baby of mine wouldn't let me in. Good and the Destroyers avec la pièce-titre de leur album Moving On Over, paru en 1978. Juste avant ça, on a entendu Cheap Trick avec Big Eyes et Hello, Hello, tiré de l'album Hello There, plutôt tiré de l'album In Color de 1977. Et au début du bloc, on a entendu The Who avec Baba O'Reilly, le classique qui ouvre le non moins classique album Who's Next de 1971. Il est 14h15, vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans un moment, on va entendre Neil Young et les Black Crowes, mais tout de suite... On écoute Bad Company sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la radio des mélomanes de Trois-Rivières et la seule station à faire tourner du vrai rock, c'est fou. Baby, when I think about you, think about love. About you, I think about love, darling. If I live without you, I live without love. And if I had the sun and moon, and they were shining. Satisfied. Thank you.

Neil Young avec Piece of Crap, une pièce tirée de l'album Sleeps with Angels de 1994. Juste avant ça, on a entendu Ian Dury and the Blockheads avec sa pièce, son classique Sex and Rocks and Rock'n'Roll, tirée de son album New Boots and Panties, paru en 1978. On a aussi entendu The Black Rose avec Wounded Bird, une pièce tirée de leur très bon dernier album War Paint, qui est paru plus tôt cette année. Au début du bloc, on a entendu Bad Company avec un de leurs nombreux classiques, Feel Like Making Love, tiré de leur très bon deuxième album, Street Shooter, de 1975. Je vous rappelle que Neil Young sera en concert au Centre Bell le 1er décembre. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu au Québec, Neil Young, une dizaine d'années au moins. Les billets sont en vente demain à partir de 10h, demain samedi. Il est 14h35, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans un moment, on va entendre les Runaways et Deep Purple, mais tout de suite, on écoute le Steve Miller Band sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières. La radio des mélomanes de Trois-Rivières est la seule station diffusée du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! Oh, êtes dans la dimension rock classique jusqu'à 17h. Purple avec Black Knight, une pièce parue en 45 tours au début des années 70 et qu'on retrouve sur de nombreuses compilations de Deep Purple, dont celle-ci, Singles A's and B's, qui est parue à l'origine en 1978. Juste avant ça, on a entendu les Runaways avec Cherry Bomb, c'est paru à l'origine sur leur premier album éponyme, paru aussi en 1978. Et au début du bloc, on a entendu le Steve Miller Band avec Living in the USA, un classique tiré de leur très bon album Sailor de 1968. Il est 14h45, vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans un moment, on va entendre la musique The Cars, T-Rex et Talking Heads, mais tout de suite, on écoute les Kings à l'antenne de 6 89 1. Down an old soap home where a good champagne the tissue spot cherry cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said, Lola, L-O-L-A. Lola, Lola, Lola. Well, I'm not the world's most physical guy, but when she squeezed me tight, she nearly broke my spine. Oh, my Lola, Lola. Like a woman but talk like a man. Oh my Lola, la la la la Lola, la la la la Lola. Well, the drink champagne and danced all night under a electric candlelight. She picked me up and sat me on her knee. Said, dear boy, won't you come on with me? We'll be right back. rock classique jusqu'à 17h. David Byrne et Talking Heads avec une reprise de Al Green, Take Me to the River, qu'on retrouve sur le deuxième album des Talking Heads, More Songs About Buildings and Food, paru en 1978. Juste avant ça, on a entendu Mark Bolan et T-Rex avec un de leurs classiques, Jeepster, tiré de leur non moins classique album Electric Warrior de 1971. On a aussi entendu The Cars avec Just What I Needed, tiré de leur premier album éponyme paru en 79. Et au début du bloc, on a écouté les Kings avec leur immense classique Lola, la version concert tirée de leur album double intitulé One for the Road, paru en 1980. 15h03, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant poursuivre avec un petit bloc conceptuel qui traite d'hédonisme. Dans un moment, on va entendre trois des groupes les plus hédonistes de toute l'histoire du rock. Guns N' Roses, Motley Crue et Black Oak Arkansas. Mais tout de suite, on écoute Jim Morrison et les Doors avec leur classique Roadhouse Blues à l'antenne de la radio Campus de Trois-Rivières. La radio des mélomanes de Trois-Rivières, la seule station diffusée du rock, c'est fou! Come on! song for you men and you women. You listen to the words of this song. I'm gonna sing it for the men. You men, imagine now you're just getting off on Friday afternoon. You done worked a hard week and you're getting off and you're ready to go out shining. You got in your car, it's all cleaned up, and you get out and you get on the street highway. You press your foot and feet down the floor and it's roaring down the highway. You feeling good because you got a lot of motor under your wheels. You heading to see your woman. Yeah, when you get there to see your woman, you screech up in the driveway, you walk out and you get up to her and you tell her one thing. You say, Mama, I got a hot rod. Que j'y aille. Moi, c'est l'heure de mon cours préféré. Et où tu t'en vas comme ça? Ben, je m'en vais au local 41-70 sur le boulevard des Forges. 41-70 des Forges? C'est quoi ce local-là? C'est mon cours optionnel. Ils appellent ça la barrique. Avec le monde qui travaille là, tu peux tout apprendre sur les bières de microbrasserie québécoise, les bières importées, des produits régionaux comme du fromage, des terrines, du pain, tout ce que tu veux. Ouais, ben moi aussi je veux l'avoir, ce cours-là. Ah ben, y a pas de problème. Ils acceptent tout le monde 7 jours sur 7, mon Danny. La Barrique, 41-70, boulevard des Forges, voisin de la cage au sport. Cours de danse. Ballet, tango, danse contemporaine.

Vous êtes dans la dimension rock classique jusqu'à 17h. On vient d'entendre quatre des formations les plus hédonistes de toute l'histoire du rock. On vient d'entendre Motley Crue avec la pièce titre de leur album Dr. Feelgood, un classique paru en 1988. Il n'y a pas grand développement par rapport. On n'entend plus parler de leur film autobiographique The Dirt. La compagnie de production vient de les laisser choir. On n'est pas trop sûr de l'avenir de ce projet-là. Juste avant Motley Crue, on a entendu Guns N' Roses avec Night Train, une pièce tirée de l'immense classique, leur premier album, Appetite for Destruction, paru en 1986. Premier album à l'époque où il prônait le sex, drugs and rock and roll. Juste avant ça, on a entendu une formation qui pratiquait à fond le sex, drugs and rock and roll, le Black Oak Arkansas, avec la pièce Hot Rod tirée de l'album en spectacle Ranch and Roll de 1973. Et au début du bloc, on a entendu probablement l'homme le plus hédoniste de l'histoire du rock, Jim Morrison et les Doors, avec le classique Roadhouse Blues tiré de l'album Morrison Hotel de 1970. Il est 15h23, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, Rock Classique qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans un moment, on va prendre un virage vers le metal, le hard rock britannique. Dans un moment, on va entendre Budgie et Iron Maiden. Mais tout de suite, on écoute Uriah Heep à l'antenne de la Radio Campus de Trois-Rivières, la radio des mélomanes de Trois-Rivières et la seule station à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! Closer in.

dans la dimension rock classique jusqu'à 17h. We want information. Information. Information. Who are you? The new number two. Who is number one? You are number six. I am not a number. I am a free man. We'll be right back. Iron Maiden avec The Prisoner, une pièce tirée de leur album classique The Number of the Beast de 1982. Juste avant ça, on a entendu une autre formation britannique, Budgie, un trio avec la pièce leur classique Bread Fan qui ouvre leur album Never Turn Your Back on a Friend, paru en 1973, pièce que Metallica ont popularisée dans les années 80. D'ailleurs, je vous rappelle que je vais vous présenter le tout nouvel album de Metallica, quelques pièces entre 16h et 16h30 aujourd'hui. Au début du bloc, on a entendu Uriah Heep avec Bird of Prey qui ouvre leur album Salisbury, de 1971. Il est 15h43, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classique, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de nouveautés. Je vous parle du tout nouvel album d'une formation, une des formations phares de la vague de métal britannique de la fin des années 70, début 80, la formation Tigers of Pantang, qui sont de retour avec un nouvel album intitulé Animal Instinct. Tigers of Pantang, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'était un des meilleurs groupes, un des groupes les plus intéressants issus de la vague de métal anglais. Comme je le disais, du début des années 80, la New Wave British Heavy Metal qui a déferlé et amené des groupes comme Motorhead, Iron Maiden, Def Leppard, Saxon, Venom et Diamond Head, pour ne nommer que les plus connus. Tigers of Pantang, c'était un des groupes les plus musclés, élevés de l'époque. Ils rivalisaient avec Motorhead sur leur premier album, côté agression, leur premier excellent album intitulé Wildcats, paru en 1980. Sur leur deuxième, Spellbound, en 1981, ils se sont raffinés. C'était moins agressif, c'était plus mélodique, mais tout à fait excellent. C'est avec le troisième album que ça s'est gâché, l'album Crazy Night, qui est paru lui aussi en 1981. Et qui n'est vraiment pas bon. Ça a déçu beaucoup de monde puisque le groupe tentait de prendre un virage commercial et un des guitaristes du groupe, le très talentueux John Sykes, les a quittés à ce moment-là pour se joindre à Thin Lizzy. Et ça a complètement déstabilisé Tigers of Pantang qui a produit un quatrième album tout à fait mauvais et totalement infect intitulé The Cage en 1982. Personnellement, j'ai cessé de m'intéresser complètement à eux et à leur sort à ce moment-là, comme beaucoup de monde d'ailleurs, et je n'ai jamais écouté aucun de leurs albums suivants, qui, selon les critiques spécialisées que j'ai lues, étaient de toute façon très mal cotés. Ça m'a donc beaucoup intrigué cet été, quand j'ai lu une critique tout à fait dithyrambique de ce nouvel album de Tigers of Pantang, et ça m'a tellement intrigué que je me suis procuré une copie de l'album en importation japonaise pour constater à quel point le groupe a ressuscité de brillantes façons. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un bon disque de métal britannique, aux limites du hard rock. Un bon disque pour ceux qui aiment le métal anglais, comme il s'en faisait au tout début des années 80. On va tout de suite écouter trois extraits de ce nouvel album de Tigers of Pantang, Animal Instinct, sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la seule station à faire tourner du vrai rock et du vrai métal à Trois-Rivières. C'est fou! Dimension Rockless. Les Anglais de Tigers of Pantang avec trois pièces tirées de leur tout nouvel album Animal Instinct. On vient d'entendre If You See K, c'était précédé de Cry Sweet Freedom et au début du bloc, on a entendu la pièce qui ouvre l'album Rock Candy. C'est un bon album de Tigers of Pantang, mais disons que c'est pas le meilleur achat que j'ai fait, le plus emballant depuis les derniers mois. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de ma deuxième nouveauté de la semaine. Il s'agit du tout nouvel album de Metallica, Death Magnetic, qui est sorti en magasin aujourd'hui même, ce vendredi. Très belle pochette qui nous montre une espèce de petit cercueil en relief. C'est vraiment un très bel objet. Personnellement, je suis plus un fan de Metallica depuis très longtemps, en fait, depuis Injustice for All, mais je semble être l'exception puisqu'il y a beaucoup de gens qui semblent vraiment être emballés par cette nouvelle sortie d'un album de Metallica. Certains parlent de retour, ils oublient probablement que Metallica sont jamais vraiment partis, c'est juste qu'ils ont sciemment décidé de laisser tomber le métal et qu'ils sont devenus un groupe de modern rock après l'album noir, et les albums se sont espacés et ils donnent beaucoup moins de spectacles aujourd'hui qu'ils pouvaient en donner il y a 20 ans. Un vrai amateur de métal va vous dire qu'en 2008, Metallica n'ont plus de métal que le nom. Ils font plus modern rock, comme je le disais auparavant, qu'autre chose. N'importe quel groupe de métal, le suédois ou norvégien, fait plus métal qu'eux. Le métal en 2008, c'est des trucs comme Meshuggah, Opeth, Amon Amarth. C'est pour ça que je trouve ça bizarre quand on parle de retour, parce que quand on a suivi l'évolution du métal depuis 15 ans, ça fait plus tellement métal, Metallica. Le nouvel album, c'est une tentative, c'est vrai que c'est une tentative de retour vers le métal, mais on est loin, bien loin de Ride the Lightning ou Master of Puppets. C'est leur album le plus, c'est vrai, le plus métal, le plus Injustice for All, mais ça ressemble beaucoup plus au Black Album qu'à Master of Puppets, par exemple. Pour s'en faire une idée, on va tout de suite écouter trois pièces tirées de ce tout nouvel album de Metallica, Death Magnetic, à l'antenne de CIFU 89.1.

Classique 81. On vient d'entendre trois pièces tirées du tout nouvel album de Metallica, Death Magnetic. On vient d'entendre la pièce Cyanide, c'était précédé de All Nightmare Long. Et au début du bloc, on a entendu The End of the Line. Trois pièces assez représentatives de l'album, quoique c'est peut-être les meilleures dans le cas des deux premières. Comme je l'ai dit plus tôt, le nouvel album, c'est une tentative de retour au métal pour Metallica, mais on est très loin de Ride the Lightning ou Master of Puppets. C'est l'album le plus métal de Metallica depuis Injustice for All, mais ça ressemble plus, ça se rapproche plus du Black Album que Master of Puppets ou Ride the Lightning. C'est pas parce qu'on dit aussi que c'est plus métal que ça veut dire automatiquement que c'est excellent. Personnellement, je trouve que c'est un album très moyen. Il y a des achats plus essentiels que ça en 2008, comme le dernier Opeth ou le dernier Moonspell, qui est très bon. Il est 16h26, vous êtes à l'émission Classique, en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission qui est consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Parmi les concerts à venir qui pourraient vous intéresser, mardi prochain, c'est le retour de Motorhead avec les Misfits au Métropolis de Montréal. Bien sûr, je vais vous présenter un petit spécial Motorhead dans la dernière demi-heure de l'émission. Qu'est-ce qui s'en vient aussi? SAG, formation japonaise, ils seront au Fofon Électrique le mercredi 17 septembre. Jeudi prochain, Halloween et Gamma Ray seront à la salle Albert Rousseau de Québec et le lendemain, ils seront au Medley de Montréal. Opeth, justement, seront à l'Impérial de Québec le samedi 20 septembre. Ça, c'est un des bons concerts de métal que j'ai vu cette année, Opeth. Mardi 23 septembre, Ice Earth, Into Eternity et Savior seront au Medley. Le vendredi 26 septembre, Cryptopsy seront au Club Soda. Et le même soir, Black Mountain, groupe canadien que j'aime bien, ils seront au National de Montréal. Le vendredi 3 octobre, Morpheus, Leaves Eye, Samael et Virgin Black seront au Foufoune Électrique. Le légendaire Alice Cooper sera au Saint-Denis le mercredi 15 octobre. Le jeudi 16, Amon, Amarth, Antiferum, Belphegor et The Absence seront au Medley de Montréal. Et le lendemain, le vendredi, ils seront à l'Impérial de Québec. Le même soir, le vendredi 17 octobre, que Mountain et Joe Satriani seront au Metropolis. Samedi 18 octobre, tournée de spectacle Blackest of the Black avec, entre autres, Danzig, Dimmu Borgir, Moonspell, Winds of Plague, Skeleton Witch y seront au Metropolis de Montréal. Le vendredi 24 octobre, Cataclysm seront avec Illuvaiti, Arcis et Keep of Callison au Medley de Montréal. Et le lendemain, le samedi 25, ils seront à l'Impérial de Québec. In Flames seront au Metropolis le jeudi 6 novembre. Pour les amateurs de métal trifluvien, n'oubliez pas le vendredi et samedi 7 et 8 novembre, c'est le Trois-Rivières Metal Fest. Et cette année, on retrouve en vedette Oblivion, formation québécoise de marque qui a beaucoup marqué le métal dans les années 90. Cryptopsy, Chrysion, Martyr, Dying Fetus, Ghoulunatics, Prophagus Mortis, Thalamius et le samedi soir en vedette Voivod. Donc, ça se passe à la bâtisse industrielle. Les billets sont en vente chez Musique Daniel Côté et au Colimaçon. Le lundi 1er décembre, Neil Young sera de retour à Montréal après une longue absence au Centre Bell. Les billets sont en vente à partir de demain à 10h. Mardi 2 décembre, Dragon Force seront au Medley de Montréal, bien sûr, et le mercredi, ils seront en Impérial de Québec, et finalement, Gwar et Kingdom of Sorrow seront au Club Soda le jeudi 18 décembre. Il est 16h30, vous êtes en compagnie d'Alain Lefebvre, à l'émission Rock Classique. On va poursuivre avec, quelque chose du stoner, du doom metal, avec la formation Doom Down, sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières. La seule station à diffuser du vrai rock et du vrai métal à Trois-Rivières, c'est fou!

Opeth avec la pièce Burden, avec une des finales les plus étranges jamais entendues. C'est tiré de leur dernier album, Watershed. Je le dis souvent, je le répète souvent, mais c'est vraiment un des meilleurs albums de métal à être paru en 2008 jusqu'à maintenant. Et je suis pas le seul à penser comme ça. Ça se rend sur le site de Metal Storm, mais c'est un album qui est en tête des albums préférés de 2008 chez les fans de métal. Juste avant Opeth, on a entendu Down, formation de Doom, avec la pièce Never Try, tirée de leur excellent dernier album Over the Under, qui est paru à l'automne 2007. 16h44, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Mardi prochain, ce sera le retour à Montréal d'une véritable légende vivante du rock, Lemmy de Motorhead. Et question de souligner son passage, je vous ai préparé un petit bloc Motorhead sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières. La seule station à diffuser du vrai rock et du vrai métal à Trois-Rivières. C'est fou! rock classique 89.1. Yeah. Motorhead avec un de leurs nombreux classiques non classés tirés de l'album Overkill de 1979. Juste avant ça, on a entendu une reprise, une excellente reprise de Louie Louie qu'on retrouve sur, entre autres, sur la compilation No Remorse qui est parue en 1984, qui est vraiment peut-être la compilation la plus essentielle de Motorhead. On a aussi entendu Iron Fist, la pièce titre de cet album de 1982. Et au début du bloc, on a entendu Stone Dead Forever. Ça, c'est tiré de l'album Bomber de 1979. Ça fait toujours du bien du Motorhead, comme ça, pour commencer la fin de semaine. Il est 16h57. Je suis maintenant en compagnie de l'animateur des palmarès. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir, Alain. Que se passe-t-il de neuf dans le monde des palmarès? On est quand même stable cette semaine. Il y a juste trois nouvelles entrées. Du côté francophone, une troisième pièce du nouvel album de Paisley. Elle s'appelle Sainte Cassette. Mm-hmm. Hein? Bon. Et du côté anglophone, il y a Motorhead. Oui. Quel hasard. Avec la pièce Rock Out. Et puis, un groupe que j'avais bien aimé, c'était même le poste d'or la semaine dernière, si je me rappelle bien, au poste d'écoute. C'était Creepshow avec Rumorgue Radio de leur album Run For Your Life. Mm-hmm. Motorhead, qui en passant, sont en spectacle le mardi prochain. Oh. Bon. À Montréal. Métropolis. Qu'est-ce qui était numéro 1? La semaine passée, le numéro 1 francophone, c'était Bonjour Brumaire avec Cette Bête. Et puis du côté anglophone, c'était Stereophonics avec Bank Holiday Monday. Est-ce que ça tient? Eh bien, pour le savoir, vous devrez rester sur nos ondes jusqu'à 20h. Et à 20h, ce soir, pas de Kiwan. Pas de LD Pag. Non. Comme j'appelle dernière porte à gauche, LD Pag. Mm-hmm. Ça va aller à 21h pour les lutins de l'enfer. Avec nos amis des lutins pour du bon métal, à 23h, électrochoc. Je vous rappelle qu'à 19h, le mardi, c'est Rock Révélé, maintenant avec Serge Nadeau. Et à 21h, c'est mon ami de Dr. Pendragon avec réanimation pour les amateurs de métal. Vendredi prochain, Rock Classique, je vais vous présenter un album de hard rock américain très obscur. Ou plutôt, je vais vous présenter un groupe de hard rock américain très obscur des années 70, The Dictators. Je vais vous parler du tout nouvel album de Donova. Je devais le faire cette semaine, mais à cause de la sortie de Metallica, j'ai switché ça. L'album s'appelle Unknown You. Je vous laisse, pourtant, j'ai bien aimé l'album de Donova. Plus que Metallica. Ah ben oui, de loin. Je vous laisse avec une dernière pièce. J'ai de ça va pas empêcher Metallica de vendre des tonnes et des tonnes, des camions entiers de leur nouvel album. C'est pas mauvais, c'est moyen, disons. Je vais vous laisser avec une dernière pièce de Motorhead et je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine. Salut tout le monde!